Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Alors aujourd'hui, nous allons faire les top cruises du sexe. Ouh. Top, top, top. Top, top, top. Top, top, top. Top, top, top. Top, top, top. Top, top, top. Top. C'est les top cruises. Alors Paulin, c'est quoi pour toi les top cruises du sexe? Parce que c'est un peu... C'est vague. Vague, oui. Vaste. On va pas parler de l'anatomie, tout ça, mais on va parler des moments dans le cinéma où Tom Cruise sent le sexe, tu vois. Enfin, vraiment, ouais, il incarne la sensualité, la sensualité, la sexiness, enfin tout, voilà. C'est un peu le truc, t'as envie de coucher avec, quoi, tu vois. Ah, Numéro 3. Alors, c'est un top 3. Ah ouais, c'est un top 3, là, je fais un petit top 3. C'est lié à la coupe de cheveux, tout ça, au corps, etc. Donc c'est dans un Mission Impossible, un Ethan Hunt, un petit peu fougueux, un petit peu romantique, celui qui t'emmène à Séville, tu vois, qui va te faire de la danse flamenco et qui va te regarder au ralenti. C'est dans Mission Impossible, c'est le Ethan Hunt de Mission Impossible 2. Voilà, je trouve qu'il a un truc un peu sexy, kitschos. Je sais pas. Mais moi, c'est vrai qu'il a une drague. Il y a un truc, tu vois, chelou. Enfin, c'est trop bizarre, mais il y a un côté sexy, voilà. Complètement. Numéro 3. Numéro 2, là, on va tomber sur un peu. C'est un peu le cliché sexy, mais c'est l'estade de Lioncourt dans Entretien avec un vampire. Hein. Parce que les vampires, ça reste quand même le symbole de la liberté sexuelle, enfin, tu vois, du polyamour, de tout ça. Ouais, c'est vrai. Et l'estade de Lioncourt, bon, c'est un bon vivant, tu vois. Donc, c'est un peu le mec, quand même, qui est sexy de par ses habitudes, de par sa vie, tu vois. Mais à l'écran, tu trouves. Bah, c'est vrai qu'il drague aussi Ouais, c'est pas que l'apparence ou ce que ça. Enfin, tu vois, il y a un charisme, il y a un truc. Hein. Il a un charisme. Il est méga sexy, quoi. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Après, tout ça, ça s'incline. Le top 1, il est assez évident. Hein. C'est numéro 1, c'est Stacey Jacks dans Rock Forever. Parce que là, c'est l'incarnation ultime de la rockstar sexe. Et c'est enfin, vrai. Voilà. Et ça marche. Il est le sexe à ce moment-là. Enfin, je crois qu'il y a un moment où ils le disent dans le film. Stacey Jacks est le sexe. Enfin, c'est ultime. Et puis Tom Cruise le joue à 100 000. Donc voilà, au terme de quels sont les personnages qui représentent le plus la sexitude. C'est pas mal. Incarné par Tom Cruise. Eh ben super, merci Paulin. Avec plaisir. À demain. À demain.